Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien, le bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de RLM dans l'émission 120 au compteur. Ah ouais, c'est dur à dire, hein, mais dis donc, qu'est-ce qui m'arrive encore? Ça commence. 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h avec toute l'équipe. Alors, jeudi, on serait pas jeudi. J'avais un doute, mais je pense qu'on ne serait pas jeudi. Bah si, on est jeudi. C'est mardi soir. Hein, ah, oh là là là, mais je deviens... C'est incroyable. La fin de semaine. Ben ouais, je sais, c'est terrible. Hein. Mais ceci dit, l'équipe est au complet, avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, Sherlock, alors, ce soir... Ouais. 1, 2, 1, 2, on m'entend ? Ouais, ouais, on t'entend, ouais. Très mal, mais on t'entend. Ok. Entendu un auditeur te nous, on ne s'entend pas par contre. Ouais. Si on peut avoir un peu de retour, si, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais... Si, si. Oui, voilà, on s'entend là. Ah, c'est mieux. Mais oui. On m'entend, on m'entend. Ouais. Excusez-nous. Oui. Hein. Alors vas-y, Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais. Bonsoir toutes. Et donc ce soir, on se retrouve pour les chroniques ciné. Oui, effectivement, donc à 21h pour la chronique rétro-ciné avec un film de l'année, laisse-moi regarder, 93. Ouais. Et ensuite vers 21h30 à peu près avec les sorties ciné donc d'hier. Comme ça, si vous avez envie d'aller au cinéma hier, et ben voilà, il vous donnera envie d'aller au cinéma hier. Marine, tu vas nous faire un retour d'expérience. Ça va ? Bonsoir, bah ouais, tu vas nous faire un retour sur les 24 heures. Oui, je suis allée vendredi soir au concert des Magic System. Ah bah écoute, tu nous en parleras et puis tu nous feras un petit topo là-dessus. Canon qui est avec nous aussi, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir l'Europe, bonsoir moi. Bon, alors Canon qui nous a, alors qui va nous rendre un hommage évidemment à un grand chanteur de la chanson française. Oui, oui, t'as du mal aujourd'hui. Hein, ouais, donc, ouais, bah tu ouais, parles ouais. Un peu comme lui. Et donc, enfin moi maintenant. Donc oui, monsieur Charles Aznavour. Mais enfin bon, je vous le dis tout de suite, ça sera une petite chronique parce que quand vous voyez toute son actualité, au bout de 10 émissions, on n'aurait pas fait le tour. Donc j'ai plus envie de partager un petit peu avec vous ce que vous en avez pensé. Et par contre, voilà, restez à l'écoute au niveau musical. Je vous ai trouvé des petites perles qui ont été faites par des artistes en hommage à Charles Aznavour. Et c'est vraiment sympa musicalement. Voilà, et je vous parlerai surtout d'un événement qui va se dérouler à partir de demain avec un invité surprise. Je vous présenterai après. Ouais, donc en parlant de perles, il est avec nous Stéphane, une fois par mois. Ça on lâche. Ça devrait pas avoir la taille de l'huître. Énorme. Énormissime. Bon, bonsoir, alors, ça va ? Bonsoir, bah ouais, écoute, c'est pas alors, j'ai déjà du mal à me faire à l'idée qu'on est jeudi. Donc. Oui, bah moi aussi, c'est pareil. Ouais. Ouais, donc on se retrouve pour le défi mix, évidemment. Le défi mix, donc. Comme le principe, évidemment. Comme chaque mois, je suis venu avec. Il faudrait que j'y raconte, j'en sais rien, 700, 800 titres dans le sac à mix. Il y en a des années en plus. Chaque mois, il y en a des années en plus. Ça va faire 7 ans que je l'entends dire. Ouais, il y en a 700, 800, faut que je les compte. Je me demande si on n'est pas à plus de 1000 maintenant, mais bon. Bon, ah bah écoute. Et donc, années 80 à aujourd'hui, donc vous avez tiré au sort 6 titres et mission pour moi, essayer de les mixer en une seule session. Mais il paraît déjà qu'on m'attend au tournant avec un autre défi. Donc, oui, on en parlera tout à l'heure. On te gardera le suspense, le temps de cette coupure musicale, Sherlock. Oui, on va commencer donc avec Jean-Jacques Goldman, avec Elle a fait un bébé toute seule, et on reviendra avec les Toi Belle Reine avec Léna. Oh, quel accent. Oui, merci, j'essaye de. Belle Reine. C'est pas ça ? Belle Reine. Belle Reine. Toi Belle Reine. Ah, j'en ai plein la figure là.

première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, donc l'émission 120 au compteur, j'espère que vous passez un très très bon moment, un moment avec nous. Donc ça fait à peine 10 minutes, mais c'est déjà pas mal. Vous attendez donc la première session du défi mix de notre ami Stéphane, ça va venir, soyez patient. Sans craquement, enfin je sais pas, parce que je crois que Stéphane ne va pas craquer ce soir. Alors avant de continuer la suite de l'actualité de notre émission, évidemment je vous en avais parlé et on l'a annoncé sur la page Facebook, donc il y a le spectacle Paris Thème qui aura lieu donc au CSE de Waterloo, donc spectacle qui vous est proposé par la troupe de temps en temps. Donc après avoir fait la représentation aux États-Unis, ils reviennent en France à Waterloo. Et donc Paris On Thème, vous avez la possibilité donc de remporter vos places, deux places pour la séance donc de 14h. Pour ça c'est très simple, je vous pose une question. Bon vous savez. Et il nous donne une réponse. Et voilà, et j'aurai besoin de la réponse. La question est la suivante, c'est que dans le spectacle, dans le show, est mis à l'honneur soit un monument ou soit un quartier célèbre de Paris. Si vous avez la réponse, alors attention, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas tous les monuments et tous les quartiers de Paris dans le spectacle. Mais si vous avez la réponse, soit vous nous la communiquez par téléphone, donc au numéro suivant. 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Ou alors directement sur la page Facebook, vous balancez donc votre réponse sur la page 120 au compteur. Voilà. Alors moi je t'arrête parce que si un auditeur entend Paris On T'aime, c'est bien, mais ça parle de quoi en fait Paris On T'aime? C'est alors, quoi? C'est un spectacle, c'est une comédie musicale avec de la comédie et de la musique. Et donc qui retrace tous les grands événements parisiens et également toutes les, tous les quartiers connus. Donc je ne peux pas en parler plus puisque sinon je vais vous donner la réponse évidemment. Donc c'est un spectacle où couleur avec de la chanson, il y aura d'ailleurs un hommage à Aznavour, entre autres à Piaf, et puis il y a de l'humour, il y a du son, il y a de la lumière, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire vraiment la fête. Si vous aimez Paris la capitale, cette si belle capitale, et ben vous allez aimer Paris On T'aime. Et on peut dire aussi, si on veut rencontrer Harry que vous entendez à la voix, ben on le voit aussi sur scène. Exactement, j'aurai le plaisir d'être sur scène. Tu seras donc, sur scène. Voilà. T'en fais des trucs, hein. Il y a plein d'autres trucs qui arrivent aussi. Il fait même des trucs. Ah ben oui, et on va en parler. Et on parlera justement de la Delta Fête, qui est quand même un bel événement. Oui. Parlons-en justement, la Delta Fête en quelques mots. Après la coupure musicale, forcément. Après la coupure, ouais, peut-être, parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Il y a tellement d'artistes. C'est vrai. Bah oui, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Et puis d'ailleurs, et je pense que on recevra un artiste, Richard Alexandre, qui en fait partie parmi les 15 artistes qui vont fouler la scène donc du Delta Fête. Bah, ce sera juste après ça, là. C'est ça, juste après Philippe Russo avec Magie Noire et Culture Club avec Miss Me Blind. Oh, très bon. Allez, c'est parti. Parce que je t'aime. Bien sûr, t'es là. miss me. I know you miss me, beloved. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me, beloved. Ride my golden hair. I'll teach you and you'll never be sure. If the way that you need is too much like greed, decide if you are rich or you're poor. Miss Me Blind, Culture Club, justement pour la petite information, ils se sont reformés et ils vont refaire une tournée là. Boy George. D'enfants. Ouais, non, Boy George, à mon avis, non, mais ils se sont reformés et il s'est prévu de faire une tournée. Donc je pense que là, pour l'instant, il y a des dates prévues sur Paris, mais. Sur Bruxelles. Ouais. Ouais. Au donc, mois de mars, je pense. Voilà. Il a mis une couleur musicale quand même, lui, avec Carmen Caméléon. Oui, celle-là, moi, je connais. Il a mis vraiment des trucs dans les années 80 là, qui étaient sympas. 85, 86 Miss Me Blind, celui-là, c'était le 87. Ouais, dans ce j'ai jamais entendu celle-là. Non, ouais, justement, c'est sympa de. Ah, c'est voilà. Années 80, mes mères. Ouais, pépère. Bon, en parlant de pépère, Canon, t'as une petite info à nous passer. Pépère, très importante. Oui, t'as raison, on va parler de CFH et de tirer les chansons. Alors, pour avant de faire la prépare. Première session, évidemment, parlons d'un événement quand même qui nous tient à cœur et qui est en partenariat avec RLM. Oui, beaucoup de gens en entendent parler, je pense, de plus en plus. Ça s'appelle en fait la Delta Fête, ça va se passer à Herzo. C'est donc demain, samedi et dimanche, donc pendant 3 jours. En fait, il y a 15 artistes qui vont se réunir sur scène. Donc ça va chanter, les enfants. Alors le programme, vous pouvez l'avoir, je vous le dis tout de suite, parce qu'il est chargé. Vous allez dire, mais vu le nombre d'artistes, combien, bah, c'est très très cher, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire, c'est une initiative en fait qui est du Delta Solidaris pour remonter en fait au Delta que beaucoup de gens connaissent, qui renaît de ses cendres. Donc en fait, voilà, tout a été refait au propre. Il y a un chapiteau qui est monté. Au propre. Bah, j'y ai au propre parce que non, mais l'établissement en fait est quasiment séculaire. Hein, je veux dire, il a commencé à vivre. Les patrons qui s'en occupent, c'est génial et tout ça. Mais il y a un club de gymnastique au niveau olympique, hein, faut le savoir à l'intérieur. Un club de danse avec Perfect Party de Christopher qui va se former ou qui est juste formé, on lui demandera prochainement. Dans tous les cas, allez sur le site, vous tapez la Delta Fête FETE, hein, pas fête, voilà, et vous tomberez sur tout le programme. C'est demain. Il y a des hamburgers, barbecue, chicon gratin, il y a un bar et. Ah bah Steph. Bah voilà. Steph, il y sera. Là, il y a un bar. Il a quand même une soirée à assurer. Demain, non, justement. Alors, dès vendredi, en fait, il faut savoir qu'il y a l'inauguration du Delta Fête. Il va y avoir, en fait, sur Herzo. Oui, sur Herzo. J'ai pas dit Herzo. On m'engueule derrière que j'ai pas dit Herzo. Donc, sur Herzo. Donc, il y aura demain, à partir de 11h, l'inauguration officielle. À partir de 13h, un repas qui sera animé jusqu'à 18h par Gives O'Cali, Pamela et Antonio. Suivi de notre ami Steph H. Oui. Voilà, qui va nous faire une super soirée dance party en mix direct donc sur la, on va dire, la des, scène. Et des années 80 aujourd'hui. Années 80. Je pense qu'on sera dans une ambiance une programmation RLM, mais programmation pour danser. Surtout. Absolument, puisque RLM est partenaire, hein, n'oublions pas. Pourquoi? Bah, parce que ça va chanter, ça va danser. C'est purement dans l'esprit moucronois, Herzo, etc. Et donc, voilà, c'est fâche. Bah, en plus, il y a de la lumière. On va répéter à nouveau que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est important. C'est important d'assister. Mais d'un autre côté, voilà, vous n'arrivez pas avec deux lampions et puis trois petits réverbères. C'est que, voilà, c'est une scène professionnelle. On est en train de monter. Ça va vraiment bouger. C'est à l'abri, donc, et s'abriter. Hein, comme, voilà. Comme les hurlus, plus, c'est bien. Bah, les hurlus cette année sont un petit peu font pas le figure puisque bah, malheureusement la municipalité de Moucron peut pas tout faire avec les travaux sur la place. Bah, c'est l'occasion de venir faire la fête. Samedi, bah, j'en parlerai peut-être pas en flux comme ça. On va parler de samedi et dimanche parce que samedi et dimanche il y a aussi des artistes qui se produisent en groupe, des gens aussi qui ont des semi-professionnels, professionnels avec ou sans réputation, c'est pas important, mais qui vont envoyer du lourd. Et il y a d'ailleurs un invité qui sera à la prochaine pause musicale et qui est champion d'Europe 2018 de chant, qui vient de faire les championnats du monde, il revient de Paris et il sera là dimanche sur scène à envoyer du lourd, voilà. Richard, il s'appelle Richard Alexandre. Richard. Il est beau comme un dieu. On est des groupies. Ou pas. Et, c'est pour ça que je suis pas croyant. Donc il chante diablement bien le gamin là. Et Gisèle est un peu plus jeune que moi, donc 32 ans quoi. Bon, et donc, voilà. Et ben on va continuer avec la première session du Défi Mix avant de recevoir Richard Alexandre. C'est vrai que vous avez tiré au sort des titres. Ah bah ouais, oui. Carrément. Marine, alors ton titre. Alors, qu'ai-je Cyborg, Another World. Wow. Ouais, ça va être bon ça. C'est quoi? Si, ça va être bon. C'est de l'électro, c'est plutôt house. Il y a un sample de Depeche Mode dans ce morceau. Ah, d'accord. Bien. Ok. Alors moi j'ai Kiss avec Trick Me. Kiss Trick Me? Trick Me. Tricky? Non, Kiss. Ah, Kiss. Kiss. Trick Me. Trick Me. Ben comme ça, c'est le titre. Ne rêve pas, me regarde pas avec tes petits yeux comme ça. Et toi? Alors moi, c'est Dua Lipa, c'est très connu, c'est actuel. Oui, oui. Il garde. Ouais, sorti en 2017. Oui, absolument, j'allais le dire, tout le monde connaît. Hein. Donc voilà, la voix féminine et suave de Lipa. Et moi alors, attends, parce que ça, c'est Charlotte. J'ai vraiment un souci avec le micro. Tu craques. Ouais, mais c'est micro, mon garçon. Je craque, c'est la fin de semaine. Attends, je vais faire autre chose. Allez, viens. Ah, ça y est, là, on a perdu Sherlock. On l'a perdu là. Moi j'ai Shime avec. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? D'accord, tu peux retourner à ta place maintenant. Ah, c'est l'histoire de ta vie ça. Et moi, c'est ça. Ce que je comprends pas, c'est que d'habitude il y a 6 titres. Oui. Ah oui, alors justement. Alors. Effectivement, là ce soir il y a un petit défi dans le défi mix, c'est-à-dire que Charles Aznavour est décédé cette semaine. Ouais. Donc j'ai ramené 2 titres spéciaux pour Stéphane. Il y a un titre d'Aznavour qui est désormais, ouais, et un titre de Passy qui date de 98, qui s'appelle Émeute et qui prend en fait un sample de désormais. Donc c'est les violons qu'on entend au début, le ta-ta-na-na-ta-na-na-ta-na-na. Et en fait, je mets au défi Stéphane de le mixer dans ce défi mix. C'est un peu pervers toi comme mec. J'aimerais pas être dans une rue tout seul avec toi. C'est vicieux. Si j'avais 14 ans. T'as intérêt à allonger les murs. C'est dangereux quand même. Eh bien, on va profiter d'une coupure musicale pour qu'il se prépare, à cette petite session qui, à mon avis, ne veut pas être très simple. Pas une signature, n'est-ce pas ? Non, du tout. Oui, alors effectivement, on va se retrouver donc juste après Les Innocents, Un homme extraordinaire et Nightcrawlers avec Push the Feeling On. C'est ça. I'm a fan of my light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us in their lives again. And their light to pull us. Vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur, hein, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Oui. Hein. Alors avant de retrouver donc la première session de notre ami Stéphache, eh bien on va reparler évidemment de cet événement qui va avoir lieu, donc qui commence donc dès demain, la Delta Fête. Absolument, mais je vais te laisser en parler parce qu'on a un petit message de Vanessa qui dit qu'elle ne t'entend pas assez au niveau de ta belle voix, elle entend trop. Alors écoute Vanessa, je vais te parler de la Delta Fête. Alors la Delta Fête évidemment c'est un événement qui va marquer l'inauguration donc du Delta Solidaris, puisque ça devient maintenant le Delta Solidaris. Donc on en parlera au niveau de l'organisation qui s'en occupe, puisqu'on va recevoir aussi les organisateurs d'ici quelques minutes. Et il va y avoir 15 artistes qui vont se succéder sur sur scène pour fêter l'événement. Ça commence demain. On a parlé de Stéphache, évidemment, puisque c'est lui qui clôturera en tout cas la journée de demain, puisqu'il sera au Platine donc demain soir. Il y aura aussi donc des artistes sur scène samedi. Et dimanche, il y aura Richard Alexandre, si je ne m'abuse, qui est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir les enfants. Comment ça va? On dirait les alcooliques anonymes. Bonsoir Richard. Alors Richard, ben, on a entendu parler de lui depuis plusieurs mois maintenant, puisque tu as été le champion de France de chant pour l'Euroquet 2018. Oui, champion d'Europe il y a 4 mois. Champion de France, champion d'Europe. Champion d'Europe. Champion d'Europe, il y a 4 mois. Je continue après champion d'Europe. ensuite, tu t'es présenté au championnat du monde. Tout à fait. Et j'en suis sorti le 23 septembre. Ouais. Avec un top 5 je pense, top 10. Ouais, troisième, ouais. Très très belle prestation. Voilà, donc dans le top 5 et puis sur 18 finalistes. Voilà. Seul français je crois. Dans le seul français finaliste, absolument. Félicitations. Ouais, franchement. Il faut savoir que la genèse en fait c'est 7400 participants qui sont sélectionnés sur 144 sélectionnés, vous imaginez, hein, c'était fait 8 mois avant, surtout des castings dans le monde, donc évidemment on n'en voit pas les gens qui chantent pas, hein, c'est quand même des Céline Dion, Freddie Mercury réincarnés, et la France, donc on avait Amandine, Cyrine, Bruno, Richard et un duo Victor et Claire, et donc ils se sont très très bien battus, par contre le niveau est très très très très fort, et Richard en fait, on en parlera, il y a une battle très compliquée, comme si on jouait France-Brésil avant en huitième de finale. Et en fait, il a rencontré le champion du monde, personne ne le savait à l'époque, mais il a rencontré en battle la plus belle voix, une des plus belles voix du monde. Donc c'est tu gagnes ou tu perds. Donc en fait, Richard, de manière légale mais un peu inattendue, n'a pas gagné. C'est-à-dire, il n'a pas perdu, il n'a pas gagné contre le champion du monde. Le problème, il avait gagné tout le reste. Donc les jurys, en fait, ont décidé de le repêcher, pas parce qu'il est français, parce que c'était pour faire plaisir, pas que toi, il y en a eu deux repêchés, parce que c'était des voix exceptionnelles qui, de toute façon, ne pouvaient pas ne pas les mettre sur les 14 finalistes. 18 finalistes. Puisque avec vous deux, 16 et 2, 18 finalistes. Et à la fin, le vainqueur a vaincu de manière tout à fait loyale, il a une voix exceptionnelle, ce qui ne fait pas que les autres n'en ont pas. C'est vraiment un championnat du monde, c'est vraiment des gens qui chantent très très très bien. Alors si tu devais te définir, j'arrête de parler de ça. Au niveau musical, tu dirais que t'es quelle couleur musicale? Quelle couleur j'ai? Ouais. Ah, bleu, blanc, rouge. D'accord. Alors plutôt crooner, parce qu'on parle de toi en tant que crooner. Mais bon, mon cœur est quand même noir, jaune, rouge. Hein. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Ça va? Non, mais sinon, au niveau musical, explique-nous un peu ton univers musical. Crooner. J'aime bien tout ce qui est anglo-saxon, Tom Jones, Elvis Presley, et Angel Bowperding, Johnny Ray, voilà, tous ces chanteurs. Mais qui font encore rêver maintenant. Hein. C'est encore... Bien sûr, ouais, Tom Jones, ah, évidemment. Hein. Alors moi j'adore quand tu fais l'une des chansons de Tom Jones, donc tu vas me rappeler le titre, c'est... I'll Never Fall in Love Again. Yeah, ça j'adore. Et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion de l'écouter. Avec plaisir. Juste après peut-être la première session de notre ami Stéphache. Oui, alors avec un tir à queue, c'est toujours un décalage. Excusez-moi. Alors, oui, alors, forcément, on n'a plus de micro. Ça, donc, je cherche un micro libre. Ça va, Sherlock? Ça va. Embrassez-vous, bordel de merde. Alors, je regarde. On va commencer avec Kélis. Kélis, Trick Me. Avec Trick Me. Et après... Qui veut dire? Je ne sais pas. Et après, on va... Bah après on verra bien parce que ça va être la petite surprise. Ok, et eh ben on y va. Donc c'est la toute première session de notre ami Stéphache. Tirage au sort très éclectique, ça on peut le dire. Si vous voulez nous balancer vos coms, surtout n'hésitez pas, hein, sur 120 au compteur, sur la page Facebook. This is it. Twice, no, my trick me once. I won't let you trick me s'enfuir notre bas. désormais les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais nous changerons nos habitudes. Et ces mots que je croyais l'autre, tu les diras dans d'autres bras. Désormais je garderai ma porte close. Désormais enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. propre de bohème. Qu'importe l'univers, l'addiction est la même. Parlez-moi de créativité, d'originalité. Je n'aime pas les protocoles, les yeux. Vous êtes toujours sur RTL. Vous êtes toujours sur 120 au compteur avec Richard. C'est vraiment sur la règle, allez hop, top. Il y a Canon, Stéphane, Charlie. Alors, Marine, comment tu présenterais Richard Alexandre alors? Arrêtez tout ça. Pardon. J'arrive plus à suivre. Bah, comment tu le présenterais, Richard Alexandre? Bah, Richard Alexandre, grand chanteur qui a participé à Paris. Icing, oui, voilà. Alors? Tu signes? Tu signes, Richard? C'est tout. C'est parce que le garçon, il fait pas que ça quand même. Il a quand même une carrière avant d'être champion d'Europe et Icing, c'est qu'il a chanté un petit peu quand même, il a bien roulé sa bosse. Il était encore CRTL, France Inter récemment? Europe 1, voilà. Il a fait FR3 récemment aussi, où il était champion d'Europe. Ouais, on peut le voir d'ailleurs dans une super émission. Grand Lille TV. Rappelle-nous un peu l'émission sur France 3. Sur François, vous êtes formidable. Vous êtes formidable, bah, ça te va super bien en plus. Normal, j'y suis ici, on est tous formidables ici. Ah ouais, carrément, donc, carrément. Ouais. Alors, toi, on va te retrouver dans le cadre de la Delta Fête, donc à 14h, à partir de 14h. 14h, hein. Le dimanche, le voilà. 7. Le dimanche, alors évidemment, on rappelle que ça commence demain et que c'est tout le week-end. Donc dimanche, 14h, est-ce qu'on peut avoir un petit scoop sur le set que tu vas faire? Est-ce qu'il y a des titres, tu peux nous en donner quelques-uns, des titres que tu vas jouer dimanche? Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. C'est beau, ça, bien sûr. Et là, ça promet. T'as vu ça? Oui, bien sûr. Non, d'où l'avantage qu'il faut se déplacer pour venir voir ce que je vais présenter. Ouais, bien sûr. Bon, forcément, ce sera. Voilà, il y aura des chansons et des chansons. D'accord. Et dont notamment la chanson qui commence par une chanson. Voilà. Ouais, d'accord, j'ai pas tout suivi. Il n'y a pas quoi en fait qui est perdu, ça va. Ouais. Je crois que les auditeurs par contre se perdent, c'est-à-dire c'est s'ils viennent à la Delta, donc il y a des chaises, il y a des tables, il y a un bar, il y a de quoi manger. Il faut savoir que l'artiste se produit pas sur une petite scène comme ça, c'est une grande scène de 25 mètres carrés. Il y a l'orchestre Sébastien qui va faire toute la sonorisation, donc c'est professionnel. Hein. C'est-à-dire on fait vraiment un événement qui va vraiment cartonner et Richard va pouvoir se produire dans des conditions avec les autres artistes. Hein. Parce qu'on va pas les oublier, on en parlera aussi, il y a beaucoup d'autres artistes. Et on est vraiment toute une équipe de. Bon, on est 11 chanteurs, il y aura un magicien, on en parlera aussi. Et un super animateur de soirée pendant 3 jours qui n'est autre que toi, Harry. Eh ouais, j'aurai le plaisir, effectivement. Mais on peut les citer rapidement, il y aura quand même Gibbs Vocali, il y aura Marco qui interprète Johnny, il y a Blue and the Soul Brothers, il y a Richard, évidemment, Richard Alexandre, il y a Retro Fanfare, il y a Emily de la boîte à musique, il y a Tivoti, il y a Antonio, il y a Pat, il y a Pamela, et là, il y a notre ami Stéphane, évidemment. Et il y a Magic Maxime aussi, le clown Valou absolument, voilà. Il y aura, alors on rigolait la dernière fois, mais c'est vrai que ça c'est le samedi, c'est pour ça qu'il faut absolument, on est à la radio, on peut absolument pas vous donner des horaires comme ça, c'est taper la Delta Fête là maintenant, vous y êtes, la Delta Fête sur Facebook, il y a l'affiche et vous allez voir, c'est voilà, et ça commence à se blinder hein. Je veux dire, c'est pas un petit événement, il va vraiment avoir beaucoup de monde, il y a des réservations, il y a des cars qui viennent de 80 km avec 60 personnes, c'est pas une blague, dès demain. Très bien. Donc voilà, ça va vraiment être très sympa, on est très très content du succès et on va vous envoyer le feu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale. J'allais dire Stéphane, non, Sherlock. Oui. On va faire une petite coupure musicale. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est un titre d'aujourd'hui et puis peut-être derrière enquiller sur un titre de Richard Alexandre. Ça donnera quand même un petit avant-goût de ce qu'ils écouteront donc dimanche. Ça marche. Alors, est-ce que je peux passer un titre de ton album? Oui, bien sûr. Ok, bon, je vais chercher. Bien sûr. Bah, alors justement, quel titre veux-tu qu'on passe justement? Bah, tu aurais pu lui poser la question pendant que tu balances le premier titre. Ouais, bon, bah ça marche. Allez. Bah, on va. Je trouve que l'émission aujourd'hui, elle est d'un niveau. C'est. Est-ce que tu veux que je passe un titre de ton album? Non, je préférais celui d'un album d'un pote. Bon, on va s'écouter Kurt Close avec Ton Image pour le son belge. Et ensuite, on reviendra avec Richard, donc avec un titre de son album que vous découvrirez à ce moment-là. Allez. Le soleil se lève, que la nuit tombe, que je reste muet comme une tombe. Je revois ton visage, ton paysage, t'es si belle que la nuit devient sauvage. Devient sauvage, mais quelle importe ton c'est un qui te partage. Alors le vent me souffle tout bas, que dans ma vie il fait trop froid. Il fait trop froid, mais qu'il importe ton image. Au pays des rêves où les hommes se gâtent, d'un amour qui défie tous les âges, tous les âges. Se lève, que la nuit tombe, je voudrais tant devenir ton nom. Mais quel être seul. RLM 107.9 FM. RLM. Toujours dans l'émission 120 au compteur, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Et là, nous sommes avec Richard Alexandre et vous venez d'entendre l'un de ses titres. Tu peux nous rappeler le titre, Richard ? Help me make me through the night. Alors, heureusement que tu le rappelles parce que je crois que j'aurais pas pu le dire. Tu peux le répéter, Marine, s'il te plaît ? Help me through the night. Aide-moi à passer la nuit. Voilà, help me make it through the night. C'est une adaptation d'un titre. C'était un titre qui appartenait à Angel Bear Perding. Elvis Presley l'a chanté aussi. Tom Jones l'a chanté aussi. Et ça a été repris en français par, si je ne dis pas de bêtises, Claude Laval, une femme, en 1970. 70, comme on dit en Belgique, c'est ça. Voilà, qui a été reprise aussi en français par monsieur Mike Allison. D'accord. Ouais. Ah bah, écoute, et j'ai refait une nouvelle adaptation, voilà, un peu raga. Raga, ouais, voilà, ok. Où je mélange anglo-saxon français. Ouais, écoute, très belle surprise. Donc on le retrouvera, donc je vous le rappelle, hein, ce dimanche-ci dans le cadre de la Delta Fête à partir de 14h, parmi tous les artistes qui vont se produire à partir donc de demain. Et bah, en parlant d'artistes, Sherlock. Oui. Je vais vous parler moi d'un film. Un film que j'ai vu cette semaine, donc c'est la chronique rétro-ciné. C'est un film que j'ai vu cette semaine qui date de 1993. Alors je ne sais pas si ça va vous parler tout de suite. Je pense que le film est quand même assez connu vu qu'il a quand même fait 6 512 665 entrées au box-office français. Marine qui essaye de tricher, elle ne verra rien parce qu'il y a une feuille en dessous. Regarde, tu vois. Hop, tu vois, j'ai ma deuxième tablette. Merci. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, il y a Samuel L. Jackson qui joue dedans, Martin Ferrero, Bob Peck, Richard Attenborough. Oh, j'adore Richard Attenborough. Oui. Alors, le film a récolté 12 prix, notamment aux Oscars, aux BAFTA, aux Saturn, aux Young Artists, aux Hugo et aux People's Choice. C'est sorti à quelle période ? Nomination en 93. Non, mais le mois. En octobre. D'accord. Est-ce que c'est un film qui a un rapport avec Noël ? Avec Noël ? Ouais. Ah non, pas du tout. D'accord. Tu pensais à quoi ? La même chose que toi, gros dégueulasse. Non, Miracle sur la 34e rue. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a Richard Attenborough dedans. Oui, mais c'est pas ça. D'accord. Effectivement, ouais. Ah, c'est bien, je vois que tu connais tes classiques. Mmh. Alors non, ce n'est pas ce film-là. Alors je vais vous passer le premier extrait. Alors il faut que je retrouve parce que j'avais mis autre chose de cette là. Il va raconter sa vie. On dirait qu'il fait son émission de chez lui. Écoutez bien, c'est un extrait de dialogue. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Mais non, tu le fixes dans les yeux et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés des deux autres que tu n'avais même pas encore. Bah oui. Lorsque le Léon n'est pas un chasseur solitaire, il utilise un schéma d'attaque coordonné. Et il est sorti en force aujourd'hui. Il fend l'air et te la serre avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir sur le doigt du milieu. Il ne prend pas la peine de te mordre la jugulaire, comme le lion. Il t'entaille ici, ou il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors, bah celui que tu parles est un spécialiste du vélo. Oui. Oui, bah oui. Et puis du vélo. Et moi je vais te dire un truc. Oui. Je vais te dire un truc, Richard Attenborough, quand j'ai vu le film, j'ai dit, eh mais c'est lui qui a de la thune et qui va ouvrir une sorte de parc d'attractions. Oui, c'est ça, ouais, voilà, effectivement. Bah, oui, évidemment. Je tombe des nues. Samuel Lee Jackson. Ouais. Non, Samuel L. Jackson. Ah d'accord, voilà, je veux dire, Samuel L. Jackson. Ouais. D'accord, ok. Alors, je vais vous passer. Donc une petite musique qui va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Bien sûr. Écoutez ça. Alors, Est-ce que ça vous... Bah, c'est dommage que c'est pas le refrain, quoi, parce que c'est l'intro et c'est une musique de John Williams. Oui, effectivement, c'est musique de John Williams. Mais c'est pas ce qu'on reconnaît le plus, quoi. Non. On reconnaît alors, plus le... Je vais vous passer. Je vais vous passer donc un autre extrait de dialogue. Ça va mettre sur la voie sûrement ceux qui n'ont pas encore trouvé. Je pense que vous allez trouver très très rapidement. Tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles. Il leur suffit d'une hormone en plus au bon moment du développement pour en faire des mâles. Mais nous ne leur refusons. Vous voulez leur refuser ? John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se reproduire ? Non, non, non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Alors, tu nous as mis tout le film. Non, non, non, bah, c'était que 30 secondes. Ah ouais, sérieux, ça paraissait long. Bah, oui, bah, c'est un petit monologue. Nous, comme on a que 2 minutes. Richard, t'as une idée quand même du film. Alors, non, bah, tu sais pas, tu peux peut-être. Oui, bah vas-y, tu peux donner balancer le titre. La sauce. Enfin, je veux dire, tu peux nous donner le titre. Fais attention à ce que je dis à Richard quand même. Vas-y, tu peux nous donner le titre. Bah, je ne vais pas me tromper, Jurassic Park, non ? Bah oui. Absolument. Oui. Eh oui, effectivement, Jurassic Park. Donc, le champion d'Europe. Hein. Effectivement, donc ne pas réveiller le chat qui dort. C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le clonage de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Ils s'apprêtent maintenant, avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son ami Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité et la malveillance de l'informaticien Dennis Nedry et éventuellement des dinosaures seuls maîtres sur l'île. Donc c'est un film de Steven Spielberg. Ah oui. Et je vais vous donner quelques petites anecdotes sur ce film. Alors j'espère que vous ne les connaissiez pas déjà. Donc Harrison Ford, William Hurt, Kurt Russell, Dennis Quaid, Kevin Costner, Mel Gibson, Robin Williams et Richard Dreyfuss furent tous approchés pour jouer le rôle d'Alan Grant, donc le paléontologue. C'est finalement Sam Neill qui incarna le fameux paléontologue. Le rôle du docteur Ellie Slater a été offert à Juliette Binoche, qui a décliné pour tourner trois couleurs, donc bleu, de Christophe Kielowski. Laura Dern incarnera finalement avec brio la paléobotaniste. Robin Wright, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Helen Hunt, Terry Hatcher, Elizabeth Hurley, Nicole Kidman, Heather Graham, Lisa Rinna, Renée Zellweger et Mariska Hargitay, donc qui joue dans New York, unité New York. Spéciale, hein, pour ceux qui reconnaissent la série. Et Sherilyn Fenn furent également approchés pour le rôle d'Ellie Sattler. Julianne Moore joua le rôle de Sarah Harding dans Le Monde Perdu, qui est sorti en 97. Anna Chlumsky et Christina Ricci, dont je sais qu'Harry est fan, ont auditionné pour le rôle de Lex Murphy. Lex Murphy, c'est la petite fille dans le film. Le rôle de John Hammond a été proposé à Sean Connery, Clint Eastwood et Marlon Brando avant que Richard Attenborough ne soit engagé. Jim Carrey a été envisagé pour le rôle de Ian Malcolm. Ah, il fait pas un dinosaure. Je croyais qu'il aurait fait le vélociraptor. Non, non. Alors, Michael Keaton, Bruce Campbell, Johnny Depp, Ted Danson, Steve Guttenberg et Michael J. Fox ont été également castés pour le rôle. Joseph Mazzello avait auditionné pour jouer dans Hook, donc de Steven Spielberg. Le comédien n'avait pas été retenu à l'époque, mais le metteur en scène, impressionné par sa prestation lors du casting, a finalement pensé à lui pour camper Tim dans Jurassic Park. Donc c'est le gamin. Bob Hoskins et Jeffrey Jones furent envisagés pour le rôle de Muldoon. L'équipe chargée de recréer les différents sons et cris des dinosaures ont dû faire preuve d'une grande créativité. Par exemple, le cri du dilophosaure, donc le dinosaure à collerette, est une combinaison de cris de singes hurleurs, faucons, serpents à sonnette et cygnes. Concernant les vicieux vélociraptors, leur cri strident comprend des sons d'éléphants de mer, de dauphins et de morses. Et quand ton rugissement glaçant du T-Rex, alors c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est le cri du T-Rex. Il a été obtenu en combinant aboiement, cri de pingouin, de tigre, d'alligator et d'éléphant. Le cri du gentil brachiosaure a lui été créé avec des sons de baleine et d'âne. Donc franchement, ils ont vraiment tapé large là-dedans. Hein. L'audition d'Ariana Richards, donc, qui joue Lex, consistait à se tenir devant la caméra et de crier de toutes ses forces. Steven Spielberg tenait à voir combien elle pouvait montrer de la terreur. Pour étudier le mouvement des Galliminus, donc les dinosaures qui courent à un moment dans la prairie, tout en fluidité, les techniciens chargés de leur création par ordinateur ont dû se mouiller. Ils ont couru les mains contre leur poitrine sur une route semée d'obstacles afin de se rendre compte par eux-mêmes des mouvements à recréer. D'accord. Et enfin, donc James Cameron a déclaré lors d'une interview qu'il voulait faire le film avec Arnold Schwarzenegger en tant que Grant, Bill Paxton en tant que Malcolm et Charlton Heston en tant que Hammond. Et il faut Schwarzenegger là-dedans. Ouais, je vois pas trop le film avec ça. Ça aurait pas du tout été le même truc. Le T-Rex, c'est ça. Ouais. Le T-Rex serait arrivé, Schwarzy lui aurait mis une patate et puis voilà. Ah bah belle synthèse. Tu peux me rappeler. Il y a eu vraiment beaucoup de noms qui ont circulé sur le film, ouais, et c'est des grands noms du cinéma. Est-ce que tu pourrais nous rappeler? Oui, je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Le temps d'antenne, c'est 2 minutes, pas 2 heures. Oui, bon, t'as confondu. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste une coupure musicale et faire le tirage au sort pour la deuxième session du défi mix de notre ami Stéphache. Et ensuite, on va recevoir donc l'un des organisateurs de la Delta Fête pour nous en reparler, évidemment, de cet événement qui aura lieu donc dès demain. Ok, bah, on se retrouve tout de suite après Gorillaz avec Feel Good Inc. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et on a profité donc de la coupure musicale pour faire le tirage au sort de la seconde session de notre ami Stéphache. Alors Canon, qu'est-ce que t'as de ton côté? Classique, les Rita Mitsuko, c'est comme ça. Ça c'est bon, bien. Ça. Moi j'ai Deep Zone avec It's Gonna Be Alright. Ah, It's Gonna Be Alright, ça va, ça j'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Delegation, moi, avec The Mix. Hein. Ah, ça, excellent. Ça. Sherlock. Bah, moi c'est un peu différent. Moi c'est Johnny Clegg et Savuka avec Asimbo Donga. Ah, ouais. Ah, oui. Ah, très bien, ouais, super bien, chanson. Bien, ouais. Et toi, Stéphache? Moi j'ai Rihanna avec Only Girl. Ah, ouais, pourquoi pas. Ok. In the world. Only girl in the world. Bah, moi j'ai ici Simply Red, Home, Motivo, Electromix. Ah, excellent. Wow. Ça, c'est du belge. Voilà. On n'avait pas encore entendu cette voix. Et la voix que vous venez d'entendre, voilà. C'est la voix de Lucky qui vient de nous rejoindre. Salut Lucky. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, tu vas bien? Oui, très bien. Voilà. J'ai un peu la course, mais bon. Ouais, un peu fatigué, je pense, parce que on est sur un grand événement qui se prépare pour demain. Voilà, et puis la préparation, on va en train, maintenant bon le chapiteau est monté, tout ce qu'il faut mettre dedans, tout y est, donc voilà. Et on espère maintenant avoir beaucoup de monde pour le week-end complet. Eh bien, il y a des chances, puisqu'on rappelle que ça démarre donc dès demain matin, hein, l'inauguration à 11h. 11h à où il va y avoir donc toute une flotte de musique, puisqu'il va y avoir Pamela, il y aura Gibbs Vocali. Oui, Antonio. Antonio. La première, en fait, c'est l'inauguration, et puis c'est suivi vraiment pendant 4 heures enchaînées avec 3 chanteurs, parce qu'un chanteur serait compliqué. C'est de l'animation, ça va danser. Et ça, par contre, c'est dans la salle du Delta, Solidaris. Hein. Ouais. Et ensuite, on passera avec Steph H à partir de 19h, donc sur la scène principale sous chapiteau, et après tout le reste se déroulera sous chapiteau, du samedi au dimanche. Ah bah c'est ça qui est dit, donc c'est à partir de demain, à partir de 11h. Et une personne dont on parle pas, excuse-moi je te coupe, c'est aussi, alors il y a aussi tête d'affiche, je dirais que quand même, Blue and the Soul Brothers, je parlais aussi, c'est le Marco chant Johnny, oui. Ah, donc il y a le sosie vocal officiel, parce qu'il revient de Paris, on pourra vous en parler, mais peut-être pas dans l'émission, il revient de Paris, il était chanteur, sosie vocal et sosie physique. Et moi je me dis, bon on en connaît, s'il m'écoute, bon il y en a certains qui font semblant. Marco, je dois rencontrer tout ça, et il fait pas semblant, quoi, ça le fait vraiment, il fait pas... Il essaye pas d'imiter, c'est Johnny Hallyday sur scène. Ça va être un très très grand moment. Moi je l'attends avec impatience, ça va être sympa. Alors par contre, on peut peut-être dire l'adresse quand même, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, alors, la salle du Delta, 444 Chaussée des Ballons. Voilà. À Herzo, voilà. Donc c'est très simple. Et suivi le dimanche, donc il y aura Pat très connu sur Moucron qui s'occupe aussi des Gilles de Moucron. Il y aura Tivoti qu'on avait reçu ici, chanteur moucronois. Richard dont on a parlé. Il y aura Émilie Chante pour vous aussi, qui était Émilie, anciennement de la boîte à musique d'Émilie, et qui est partie maintenant faire sa carrière solo. Donc un très très beau programme. Voilà. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec la deuxième session, notre ami Stéphache. Hey, ouais, il est content, il est heureux avec sa belle chemise à carreaux. Hey, est-ce que tu veux un peu de temps pour te préparer encore? Allez, on va y aller directement. Ouais, bon, allez, soyons fous. Non, pas encore. Attends, vas-y. Tant mieux. C'est parti. Hasimbonango mandela tina, la pekona, la pekeli kona. Silence is what free. Who has the words to close the distance between you and me? A ti, Bonanga, Bonango, Mantega, la Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko, Hasbiko,

Oui, on est toujours, vous êtes toujours en direct de l'émission 120 au compteur. Vous vous entendez certainement bruit de fond. Il y a de l'ambiance, c'est déchaîné. Voilà, avec les Rita Mitsuko. Et c'est alors, comme ça. Ça, Marine, voilà. Marine, elle sait le faire. Hein. Ça, pour danser, il n'y a pas de problème. Et oui, les Rita Mitsuko, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça aussi sur RLM. C'est la fête tout le temps. Donc, on va terminer. En fait, on parlait de la Delta Fête. Donc, voilà, vous l'avez bien compris. Il y a quelque chose qui se prépare vendredi, samedi, dimanche. Venez nombreux. C'est vraiment très sympa. Tapez la Delta Fête sur Facebook et vous verrez. Il y a tout sur tous les artistes, comment ça se passe, etc., etc. Moi, je vais vous parler d'une chose. C'est d'Aznavour. Voilà. Oui. Je vais pas vous faire une chronique. Parce que j'avais dit que je fais une chronique. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je fais une chronique, je prends des éléments. Je prends Wikipédia. Donc, je vais sur des liens. Je vais sur des sites, des professionnels, des choses pour essayer d'avoir des éléments. Comment voulez-vous faire une chronique de 2 minutes, voire 2 minutes 30 sur Aznavour? Il faudrait 2 semaines et encore, on y serait encore. Moi, j'allais vous poser la question pour la chronique Aznavour. À chacun de vous, quelle est la chanson qui symbolise pour vous Aznavour? Harry. Je suis un homme haut, comme ils disent. Magnifique. Très belle chanson. J'adore cette chanson. Ouais. Cédric La Bohème. Il y a un Cédric dans les studios. La Bohème. Désormais. Ah oui. Je ne savais pas poser la question, Richard, mais désormais. Tu me regardes. Richard avec désormais, etc. Est-ce que tu cherchais mon prénom? Donc, voilà, Marine. Désormais. D'accord, désormais, tout ça. Bah oui, parce que quand vous posez la question. Alors, il y en a un quand même, la chanson préférée, en fait, c'est La Bohème. C'est La Bohème. D'accord. Qui revient le plus souvent, et voilà, c'est le plus souvent. Alors, justement, je m'en doutais. Moi, pour terminer cette chronique, parce qu'on va quand même enchaîner avec pas mal de choses, je vous ai fait un mix, hein, plutôt que parler, en fait, d'Aznavour. C'est Aznavour qui va s'exprimer pendant une trentaine de secondes d'une émission qui a été prise sur Elle est plus belle la vie en 2017. Ça m'a vraiment touché, sincèrement. C'est-à-dire, je me dis que si un jour je pouvais me permettre de dire ça, j'adorerais. De faire ça et de dire ça. Et après, vous savez que Aznavour, en fait, est un passionné de la mixité des musiques et a toujours prôné, que ça soit même le rap, etc. Mm-hmm. Je vous ai fait un mix de 3 minutes simplement de 3 compositeurs qui lui ont rendu hommage. C'est tout frais d'il y a une journée et demie, 2 jours, et qui en fait ont mixé, dont un Marocain, je pense, plus un gars qui fait du rap et tout ça. Et écoutez ça, franchement, c'est super. Et après, okay. je vous propose. D'écouter aussi un. Parce que tu devais. Un artiste de la Delta Fête. Qu'a dit justement, c'est pour donner aussi un avant-goût pour la Delta Fête, hein, qui va démarrer demain. Dommage qu'il n'est pas là. Dommage qu'il n'est pas là. Gibbs O'Cady, si on peut le dire quand même, parce que c'est notre ami Canon, donc vous allez le découvrir, puisqu'il est aussi chanteur à ses heures perdues et il se débrouille plutôt pas mal. Il a beaucoup d'heures perdues, donc voilà, il en profite. Et donc voilà, et vous aurez l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir donc l'interprétation. Alors c'est quel titre justement? Alors je reprends en fait une interprétation de Josh Groban qui fait You Raise Me Up, mais en fait là il chante L'hymne à l'amour de Piaf, donc c'est une chanson qui est complètement revisitée et j'ai essayé de l'interpréter. Je me dis comment je vais la faire. Il y a que le train qui est pas passé dessus. Qu'est-ce que je vais lui apporter? Donc je vais essayer simplement de me dire, si je perdais aujourd'hui ma femme ou mon fils ou ma mère et que je devais la regarder, si je chantais L'hymne à l'amour, puisque c'est Piaf qui a perdu Cerdan, comment je la vivrais? Vous jugez. Ok, on s'écoute ça juste après Aznavour. Je vous parle d'un temps que le moi de 20 ans ne peut pas connaître. Même si votre femme vous a dit, c'est peut-être l'âge d'arrêter, c'est ça, hein? Mais je dis, je mourrai, alors elle est du quantième mieux alors. Si vous quittez la scène, vous mourrez, Charles? Vous le sentez, ça? C'est une question de survie, presque. Moi, je ne peux pas ne pas vivre, et je vis en scène. Je suis heureux en scène, et ça se voit. C'est-à-dire, je ne fais pas des sourires au public. On sent que je suis heureux d'entrer sur ce truc qui s'appelle la scène. Montmartre, ces temps-là, accrocher ses lilas jusqu'au sur une fenêtre, s'il emble garni, qui nous servent de nid, ne veillez pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour et le ciel bleu. Très loin d'un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu. Moi qui n'ai connu que ma vie jusqu'au matin. Les choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été. Où je vois quand dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me prends au cou. J'ai prouvé que la critique avait rien pour faire de la critique. Voilà. Que je réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. C'est très curieux quand même. M'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe. Éternité, de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Je réunis ceux qui s'aiment. RLM 107.9 FM. RLM. Et donc vous venez d'entendre l'hymne à l'amour. Alors c'est vrai que c'est une couleur musicale qui est un peu différente, mais en tout cas on adore. Alors c'est Gibbs Vocali, alors c'est notre ami Canon, il faut le dire, il faut pas se le cacher. Merci. Voilà, donc une belle interprétation donc de l'hymne à l'amour à sa façon, et effectivement ça redonne une vie à cette célèbre chanson d'Edith Piaf. Et vous aurez l'occasion effectivement de le voir sur scène en direct live. Ouais, me voir et m'écouter, j'espère, ouais, à 20h30 écoutez, samedi. Voilà, mais voilà. Et aussi je ne m'abuse, demain donc en compagnie de Antonio et Pamela, on va animer en fait de 13h30 jusqu'à 18h. Voilà, toute une animation complète avec on va chanter en live et puis on mettra aussi de la musique. Voilà, ça va être vraiment sympa. Alors justement, profitons des quelques minutes qui nous restent pour vous présenter l'un des initiateurs du projet, qui est le président donc de l'ASBL Amitié et Loisirs et Sport, Guy Ovlak est avec nous. Bonsoir Guy. Bonsoir, comment vas-tu? Moi ça va très très bien, et d'autant plus que les heures approchent, puisque ça démarre demain à partir de 11h l'inauguration donc à Herzo, la Delta Fête. Alors rapidement, Delta Solidaris, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une inauguration. L'inauguration sera prévue vers 11h, mais 11h précise, sincèrement, parce que on est dans le timing. Et j'invite tous les citoyens, tous les riverains, tous les Français, tous les auditeurs, mais sincèrement tous vos auditeurs, 120 000 auditeurs, je crois que c'est phénoménal. Ben, tous les auditeurs sont les bienvenus. 1 200 000 veux-tu dire? Et donc voilà, donc. Mais je peux vous dire que si j'arrive vraiment tardivement, c'est que tout est en place. Mon ami Antonio est en place. Et sincèrement, vous serez très bien accueillis par les gérants qui sont Bruno et Hélène. Et Marilyn. Marilyn. Je sais pas pourquoi je dis Hélène, mais. Ben oui, mais bon. Il doit bien avoir une Hélène demain, il y aura une Hélène quelque part. Qui nous écoute, d'ailleurs. Ah, qui nous écoute. Voilà, donc je précise bien, c'est Marilyn. Et Bruno. Voilà, donc vous allez directement demain. Désolé, matin. Bruno. Demain matin à partir de 9h30 si vous le souhaitez, mais l'inauguration sera précise vers 11h. Voilà, alors en sachant, on rappelle que les festivités vont durer 3 jours, c'est de vendredi jusque dimanche soir. Donc vendredi soir, entre autres, il y aura Stéphane derrière les platines. On aura Gibbs Vocali, évidemment. Il y aura Marco. Il y aura Marco Changioni, voilà. The Blues Brothers, Pamela, Antonio, Maxime, Valou le Clown, Richard Alexandre, Thivotti, Pat. Et aussi Émilie chante pour vous. Et alors voilà, sans compter une surprise qui vous attend demain. Sincèrement, il y aura une surprise demain pour les participants dans la journée. Je ne dirai pas l'heure. Tout sera géré par toi, Harry, sincèrement. Et tu pourras annoncer une énorme surprise. Y aura-t-il un striptease? Et moi, non, pas jusque là avec des chicons. Hein. Je sais qu'il y a des chicons, mais des gros zéros. Moi, je peux aussi annoncer que samedi à 21h30, il y aura une surprise de 6 minutes qui sera deux personnes du membre de l'équipe de France des championnats du monde que j'ai invité à faire une prestation, une chanson, et ils seront là. Donc c'est Amandine qu'on avait déjà reçue, et c'est Victor et Claire qui était le duo je les ai conviés à faire une chanson. C'est bien la preuve que la Delta Fête sera phénoménale. Et faut pas oublier aussi que c'est gratuit. Donc rarement. Marine a parlé. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Mais non, mais tu vas rarement à des endroits où c'est gratuit. Donc, c'est vrai. Alors prévenons quand même sincèrement qu'il y aura un problème unique. uniquement au niveau de l'accueil. Parce que pourquoi ? On a un problème de parking. Oui. Donc, étant donné le monde que nous allons recevoir, les gens doivent ou devront se garer un peu plus loin que prévu. Oui, ils prennent leurs précautions. Ou vous êtes bien avant, comme ça, vous êtes sûr d'avoir une place. Voilà, tout à fait. Tout à voilà. Fait. Et puis, les éminents, j'ai oublié aussi, c'est surtout, c'est vrai qu'ils sont tellement présents qu'on n'y pense plus parce qu'ils sont là depuis, ils sont en train de dormir là dans les camions à surveiller tout. C'est l'orchestre Sébastien, le fameux orchestre Sébastien qui va sonoriser tout ça. Et comme je disais, c'est pas avec de lampes de chevet, hein, c'est avec des lyres professionnels, de la lumière, des effets de fumée. Le podium vraiment... est monté, tout le est monté. Podium, dans... ouais. Je t'assure. Et demain matin, ils sont en pied d'œuvre. Ils seront en pied d'œuvre. Eh bien, il nous reste que quelques secondes pour se saluer. Donc, le temps de remercier. Alors, Sherlock, qui n'a pas eu le temps de faire ses sorties cinoches, mais tu les feras la semaine prochaine. Hein, bah, de toute façon, t'as pas le choix. C'est ça, je les fais la semaine prochaine. Merci à Marine pour cette belle présentation de Richard Alexandre. À Canon pour ce bel hommage donc au grand Charles Aznavour et à Stéphache pour ces deux sessions de Défi Mix. Oui, merci. Alors j'en profite qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps, mais pour vous dire que également, après avoir fait la fête à la Delta Fête samedi soir, vous allez pouvoir me retrouver également sur Moucron, donc pas très loin, au Barouf, c'est Place de la Justice à Moucron. Mais alors là, c'est pour toute autre chose à partir de 22h, soirée électro, house, techno, mais ça promet. Et Happy Hour, je tiens à signaler, de 23h à 1h. Une boisson, acheter une boisson offerte et entrée gratuite. Ah, mais ça tombe bien au niveau horaire. Vous sortez de la Delta, direction. Bravo, voilà. Steph. Bravo. Voilà. Allez, alors, bon, on se quitte là-dessus. On se retrouve donc la semaine prochaine, le même heure, même antenne, évidemment, sur le 107.9. Ciao, allez, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Merci à vous.